M-A-R-S, mami. M-A-R-S. Yeah. Passage, drogue, barrage, rétro, bleu, mon sens, j'vois les schmitt, micro, négro, cassos, atroce, ah, t'as la mal, y'a du shit, vert, jaune, rouge, la France, Marseille, c'est l'Afrique, TP, TP, TP, TP, TP, il pleut, terra, lisse, terra, lisse, terra, lisse, t'appelais, t'appelais, t'appelais, il pleut, terra, lisse, terra, lisse, terra, lisse, TP, TP, TP, il pleut, terra, lisse. Un nouveau jour, un nouveau souffle, une nouvelle compète. Un nouveau souffle. Mais c'est toujours le même regard d'éther sur la pochette. En Europe, c'est la crise. Besoin de changer d'air, Dubaï, Phuket. Investi à la rigueur, troque là au lieu de fumer toute la moquette. J'arrive fort, James Harden, Houston Rocket. Vous, sulfateuse, nous, sortir les lance-roquettes. Tu veux changer l'ambiance? Change la couleur du billet dans ta pochette. Tu m'accostes pour un lunch au Phuket. Tu mangerais un grec même si t'es coquette. Espèce de chaussette, ils me voyaient les gourmettes au pommettes. Tout pousser des palettes pour honnête. Mais j'ai le flow pour fuck la planète. Une tête pas nette. Tu te demandes quand on va te la mettre. Car on va te la mettre. Mais les plus dangereux laissent rien transparaître. Passage, drogue, barrage, rétro, bleu, mon sens, j'vois les schmitt, pico, négro, cassos, atroce. Ah, t'as la mal, y'a du shit. Vert, jaune, rouge, la France, Marseille, c'est l'Afrique. TP, TP, TP, TP, TP, il pleut, terra, lisse. Terra lisse, terra lisse, t'appelais, t'appelais, t'appelais, il pleut, terra lisse, terra lisse, terra lisse, TP, TP, TP, il pleut, terra lisse. J'attire la police, je vends la drogue, j'attire les folles, les billets verts. Un coup en geôle, un coup en tôle, cortège funèbre. Un coup en geôle, un coup en tôle, cortège funèbre. J'attire la police. J'attire la police. Les cops sont quadrillés, le terrain bataille navale. Le din, les ralices, où t'as chute de rein, bataille mentale. Si oh shit, t'étais pas prêt à ça, comment assumer une cavale. Tu peux courir, courir, même si t'es d'astreinte, t'éviteras pas les rafales. Changement d'ambiance, rap de la cabane. Nuage de spécie, cigarillo de la Havane. Tu te demandes pourquoi on caresse moins qu'on tabasse. Nos cœurs s'emballent, mais nos grosses couilles s'en mêlent. Maintenant t'avales, tu débites pas mal. Mais en fait t'es qu'une grosse banane. Face à nous tu transpires à mam. Ton rap respire mais n'a pas d'âme. Pas d'âme, pas d'âme, pas d'ami. Mes grandes familles de Marseille à Paname. Jimal, Harbouche, Manouche, Rital, c'est où Alam, Oumar, Amal. Passage, drogue, barrage, rétro, bleu, mon sens. J'vois les schmitt, pico, négro, cassos, atroce. Ah, t'as la mal, y'a du shit. Vert, jaune, rouge, la France, Marseille, c'est l'Afrique. TP, TP, TP, TP, TP, il pleut, terra, lisse. Terra, lisse. Terra, lisse. T'appelais, t'appelais, t'appelais, il pleut, terra, lisse. Terra, lisse. Terra, lisse. TP, TP, TP, il pleut, terra, lisse. Je vends la drogue, j'attire les folles, les billets verts. Un coup en geôle, un coup en tôle, cortège funèbre. Un coup en geôle, un coup en tôle, cortège funèbre. J'attire la police, j'attire la police. Je vends la drogue, j'attire les folles, les billets verts. Un coup en geôle, un coup en tôle, cortège funèbre. Un coup en geôle, un coup en tôle, cortège funèbre. J'attire la police, j'attire la police.